si noir que mes deux petits yeux n'arrivent pas à croire qu'ils sont heureux. Dis, est-ce que le jour qui passe